16h. Simon Bourgeois pour vous informer. Bonjour à tous. 580 emplois menacés. Truvo, la société qui édite les pages d'or, est en faillite. S'il n'y a pas de repreneur, les syndicats craignent qu'ils passent tous à la trappe. La direction a averti le personnel ce matin, mais Raymond Vreidach, délégué CNE, est toujours dans l'incertitude. La conséquence normalement d'une faillite, c'est que l'entreprise ferme et le curateur habituellement licencie l'ensemble des travailleurs. Ce que je ne sais pas dire à ce stade-ci, puisque la nouvelle vient de tomber, c'est comment va-t-on vivre effectivement dans les jours qui viennent. Et donc je vais être en assemblée avec les travailleurs pour répondre à leurs questions et j'espère pouvoir avoir un contact avec la direction aujourd'hui pour y voir plus clair. Truvo, c'est 138 travailleurs en Wallonie, 580 plus ou moins en Belgique. L'impact social, il sera de combien? La faillite, normalement, si on n'a pas de repreneur, c'est les 580 travailleurs qui sont licenciés purement et simplement et qui se retrouvent effectivement au chômage. Donc l'impact social est énorme. On espère qu'effectivement qu'un repreneur pourra se manifester et qu'on puisse alors à ce moment-là voir combien d'emplois pourront être sauvegardés à ce stade-ci. Raymond Vreidach, délégué CNE, au micro d'Éric Destiné. Le curateur de Truvo attend des propositions de reprise et si la faillite se confirme, ça pourrait bien être la fin du célèbre bottin téléphonique des pages d'or. D'autres emplois menacés dans les magasins de vêtements bon marché de Dodd à Bruxelles. Les travailleurs sont sortis sur la rue cet après-midi, chaussée de Louvain. La direction leur a dit aujourd'hui qu'il ne devait pas revenir travailler demain. Dodd, ses 22 magasins et plus de 1000 employés. La direction espère limiter la casse et ne pas tout fermer, mais la situation de l'entreprise est encore floue. L'Europe met la pression sur le Royaume-Uni pour qu'il quitte l'Union au plus vite. Le Parlement européen a voté une résolution ce midi. Elle demande d'activer dès que possible la procédure de divorce. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, lui demande à Londres de clarifier rapidement sa position. Les Européens commencent à être impatients. Les Britanniques, eux, sont un petit peu moins pressés de partir. David Cameron laisse le soin à son successeur d'entamer officiellement les négociations. Ce ne sera sans doute pas avant septembre. Le Premier ministre britannique veut que tout ça se passe dans de bonnes conditions et que l'Europe et le Royaume-Uni se quittent en bons amis. Nous disons que la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne, mais je veux que ce processus soit aussi constructif que possible et que son résultat le soit également. Parce que même si nous quittons l'Union européenne, nous ne devons pas tourner notre dos à l'Europe. Ces pays sont nos voisins, nos amis, nos alliés, nos partenaires. Et j'espère personnellement que nous chercherons les relations les plus proches possibles en matière de commerce, de coopération et de sécurité. Parce que c'est bon pour nous et c'est bon pour eux. Et je pense que c'est dans cet état d'esprit que les discussions se tiendront aujourd'hui. Et ces discussions continuent demain également, mais sans les Britanniques cette fois. Pour la première fois, les 27 se voient sans David Cameron. Tennis, deuxième journée au tournoi de Wimbledon à Londres. Une Belge au programme aujourd'hui, Alison Van Uytvanck. Elle s'apprête à jouer contre la Britannique Terra Moore, 227e mondiale. En foot, pas de match à l'Euro aujourd'hui. Les quarts de finale ne commencent que jeudi. Mais entraînement pour les Diables Rouges à Bordeaux ce matin. Focus sur le Pays de Galles, le prochain adversaire des Diables. Marc Wilmots ne compte pas faire le jeu en fonction d'eux. Il attend de voir comment les Gallois vont s'adapter à nous. Moi, je veux voir comment eux vont s'adapter pratiquement nos quatre attaquants. Parce que quand il y a beaucoup de mouvements et une rencontre peut vite se déliver, regardez sur un coup de pied arrêté, comme la rencontre peut devenir beaucoup plus facile à ce moment-là. Donc j'ai aussi regardé comme toi l'Italie hier, mais elle joue très bas et elle défend très fort. Voilà, et elle court. Mais elle court. Je sais pas combien de temps ils vont courir comme ça, mais c'était le choix de Conte de prendre des coureurs. Je sais pas si eux sauront le faire aussi fort. Donc nous, on va rester calme et patient et poser notre jeu, certainement, comme on le fait d'habitude. Et puis on a des joueurs d'action sur le côté qui apportent du dribble et de la vitesse. Et là, il faudra trouver vraiment les moyens de les percer. Marc Wilmots, juste après l'entraînement ce midi, le capitaine des Belges, Eden Hazard, lui, n'était pas sur le terrain ce matin. Il est resté à l'infirmerie. Il a une contracture à la cuisse, mais rien de grave. Cela ne compromet pas la suite de son euro. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi avec nous. Toute l'info est sur rtbf.be. Et on continue tout de suite avec vous sur la première Walid, on est presque sérieux. Effectivement, Simon, on retourne dans l'information avec vous tout à l'heure à 16h30. Soutenir les Belges à la piscine. Allez, Kevin. Ou soutenir votre enfant au mini-club. Allez, Kevin. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Parce qu'on est d'accord, là, on comprend rien. Hein. Les Anglais, les premiers. D'ailleurs, il n'a pas fallu deux jours pour que tout le monde panique. Ah ouais, non, mais en fait, on ne sait pas trop, on ne pourrait pas recommencer. Bah non. Non, non, on ne peut pas. Nickel, Albas, il est très fort tactiquement. Eh bien, c'est Jean-Claude Juncker qui parlait de David Cameron avant de connaître les résultats du Brexit. À l'annonce des résultats, il aurait déclaré: mais quel con. Il commente l'homme gang, c'est gagné, les amis. Wow. Patrick Poivre d'Arvor est avec nous. Parce que chaque année, début du mois de juillet, l'Homogang parcourt la superbe Grand Place de Bruxelles. Et il est là pour nous en parler. Patrick Poivre d'Arvor, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Ben, super bien. Et pendant ce temps-là, plus de 90% des élèves ont réussi leur CEB. Et les 10% qui restent feront carrière en politique. Barthès a décidé de partir en emportant son équipe sur TF1, la chaîne de 7 à 8, émission diffusée de 6 à 8, mais aussi de 50 minutes inside qui en dure en réalité 90, et de 5 à 7 avec Arthur. Là c'est juste, hein, 5 à 7, il s'agit du nombre de téléspectateurs si on en juge par la déprogrammation imminente de l'émission. Tu déjeuneras seul d'un panini saumon dans la rue de Choiseul. Tu trouveras ça bon. Voici par exemple ce que je propose, mais je suis sûr que nos auditrices et auditeurs sont capables de faire beaucoup mieux. Tu goûteras avec elle, dont tu ignores le nom, un durum falafel et une vieille pêche au thon. Ouais, c'est bien aussi. Ouais, c'est beau ça. Un octogénaire sourd opéré par erreur d'un œil à Limoges. Ouais. Ouais. La première. Allez, c'est bon. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Fini de rire, les amis, la menace islandiste pèse désormais sur l'Europe tout entière. Les Anglais qui pensaient avaler tout cru ces chèvres de Monsieur Consanguin ont vécu au final 90 minutes de traversée du geyser face à une équipe bien qui roule au fjord de Tonus. Hein, dédicace à Raoul Reyers. Ah. Loin d'être une petite promenade de santé pour nos amis anglais qui sont vite passés de pour qui le glaçon à pour qui le glaçonne. Effectivement, c'est une belle surprise que cette équipe islandaise. Jusque 17h30, ils vont vous démontrer pourquoi ils sont les favoris sur le terrain d'humour. Voici votre équipe, pas du tout molasse du jour. Tiens, s'il était une fille du Grand Nord, il s'appellerait sûrement Ilona. Ilona dans le caleçon. C'est Manu Di Pietro, bonjour. Comment vous savez? Ça va bien? Ça va et vous? Vous avez pris vos médicaments? Oui. Traduit en islandais, son nom donnerait sans doute très frais pour la saison. C'est Daphné Dulaurier, bonjour. Bonjour, ils ont CR7, nous on a CR12. CR comme ses initiales et douce comme sa voix. C'est bien simple quand elle parle, c'est tout un pays qui frissonne. C'est Catherine Ronvaux, bonjour. Merci beaucoup, Wally. L'euro, il ne peut pas le saquer. Oui. Je préfère d'autres boissons. Mon cher Edgar Schotz, bonjour Edgar. Bonjour Walid. C'est fou de se dire que s'il était à Reykjavik, son fils s'appellerait Saucisson, Carcassonne ou surveille bien ta cuisson. Raoul Reyers, bonjour. Dites quelle pêche vous avez. Ouais, bonjour. Bah alors, attendez, j'ai pas encore terminé parce que le tour de Dajar Boulesh arrive, notre assistant. Ça, c'est toujours le mieux. Crois qu'elle va s'appeler Démissionne. Non. Sa chanson préférée, c'est Sans contrefaçon, je suis un garçon. Dajar Boulesh qui prépare cette émission pour vous, puis cette émission, il la façonne à la réalisation. Laurent Mélissène, vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font. Et c'est nous qui en rions. Merci à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour, presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Ah, on distribuera des prix de fin d'année avec Daphné Dulaurier. Il Absolument. Y aura l'épreuve de la remise du bulletin, les vœux de milieu d'année. Oui, il faut faire des vœux à tous les moments. Et puis, Charles Michel au programme de 7h30, qui était d'ailleurs l'invité de Matin Première. Vous pouvez réécouter cela sur le rtbf.be/ovio. Des cadeaux également au menu de 7h30 d'infos presque sérieuses. Nous vous offrons 4 entrées pour le Max Grand Tournu, histoire de visiter le musée des arts contemporains en famille cet été. On rajoute à cela une clé USB. Si vous voulez participer avec nous, qui a dit c'est le moment, c'est l'instant d'envoyer ces trois lettres. CPS au 60-31-75 centimes le message, nom, prénom et adresse, une phrase que je vous propose sans plus attendre. Qui aurait pu dire « ils nous ont menti ». Ah, alors là, si vous avez une idée, n'hésitez pas, vous inscrivez. On vous fera des propositions, venez jouer donc avec nous au qui a dit 4 entrées pour le musée des arts contemporains. Histoire de passer un été en famille, on rajoute à cela une clé USB CPS avec vos noms, prénoms et adresses au 60-31-75 centimes le message. Demandez monsieur Ajar. Oui. on va bien s'amuser avec Ajar aujourd'hui. On va bien rigoler. Bon, en attendant, si on passait à la une du jour. C'est la une. Deux infos en chanson. Écoutez les deux extraits que voici et tentez de les rattacher à une actualité. Mona Lisa klaxon. Allô, ça va ? Noir comme une perte de mémoire. Alors, Pascal Obispo avec Noir et Jacques Higelin avec Mona Lisa Klaxon. C'est avec Jacques Higelin que nous entamons cette émission. Alors la manière de fêter les Diables Rouges. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, en tout cas, je l'ai lu et j'y reviendrai dans ma chronique, dans Le Soir, qu'il y avait toute une législation en matière d'usage du klaxon en milieu urbain ou rural. Effectivement. Et que l'article 33, si je me souviens bien, demande qu'on klaxonne de manière brève et je ne sais plus quoi. Alors, c'est 33.2, les avertissements sonores doivent être aussi brefs que possible. Ils ne sont autorisés que pour donner un avertissement nécessaire en vue d'éviter un accident et en dehors des agglomérations. Alors, dans les faits, les klaxons d'après-match peuvent déplaire à certains riverains, pollution sonore forcément. À Bruxelles, il y a eu plusieurs verbalisations pour klaxonnement abusif. Montant de l'amende, 50 euros. Ah ouais, quand même. Là, on ne badine pas avec le klaxon. Oui, mais ça vaut bien les 325 000 personnes qui ont été réveillées à cause des klaxons. C'est vrai. En tout cas, c'est la compensation. Je me suis rendu compte qu'il y avait un Islandais dans mon village. 400 habitants, mais il était le seul à faire tout. Ah ben voilà. Et oui. C'est chouette. Ah ben c'est bien. Tu es sûr que ce n'était pas un Italien un peu endurant. Oui, c'est ça. Deuxième extrait. Écoutez attentivement Pascal Obispo avec Noir. De quoi s'agit-il? Noir. On parle de Noir. Préciser. Alors, Noir, pas la couleur. Pas la couleur. Voilà. Le travail au noir. Un étudiant sur cinq, oui. C'est ça ? Oui, quelque 18% des étudiants travaillent sans contrat, selon une étude annuelle menée auprès de 1000 étudiants par le prestataire de service Randstad. Chez les étudiants mineurs, la proportion atteint même 30%. Ah ouais, ceci malgré les changements de la législation en 2005 et 2012 pour assouplir la réglementation du travail étudiant et le renforcement de la lutte contre la fraude sociale. C'est ce que précise Randstad. Un étudiant sur cinq continue de travailler sans contrat, alors que les risques courus par les étudiants et employeurs ne se justifient pas en regard des avantages accordés depuis des changements de ces fameuses législations. Actuellement, les étudiants peuvent travailler pendant 50 jours tout au long de l'année. Toutefois, un changement de législation pourrait encore survenir, moment idéal pour sensibiliser donc les étudiants et leurs employeurs aux avantages du travail étudiant et donc aux risques du travail au noir. L'étude de l'agence Interim souligne que 3 étudiants sur 4 sont favorables à cet éventuel changement. Donc, Randstad aussi, parce qu'il a sa petite commission. Et comment? Tiens, vous vous souvenez de votre premier job étudiant? Bien manger. Ah oui, j'étais, devinez. Ben, je travaillais dans une boucherie. Non, je faisais des fricandelles. Dans un restaurant. C'est vrai? Oui, je faisais la plonge. Ah oui, c'est pas mal. Vous, Manu Di Pietro, vous vous souvenez? J'étais réassortisseur de rayon. Oui, et vous, moi, Daphné? J'étais femme de chambre dans un hôtel près de l'aéroport. Ouais, dans quelle fille? Non, vraiment, c'était abominable. Ouais. C'est ce que beaucoup ont dit. Vous, Edgar Schott, votre job étudiant, c'était quoi? Moi, j'emballais des CD. Dans un hangar londonien. Oh, ok, d'accord. Avant qu'il ne tombe du camion. je téléphonais aux généralement vieilles personnes pour leur demander si. De l'argent. S'il n'avait pas besoin d'une hypothèque. C'est le Vendée en viager ou des trucs comme ça. Vous, Madame Laurent. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Et tiens, Joël Milquet, à votre avis, qu'est-ce qu'elle faisait comme. Parce que je suis tombé sur. Quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait hier soir? Non, comme métier étudiante, je suis tombé sur l'info, je voulais la partager avec vous. Parce que c'est un article partagé par Francis Delperret, qui l'a connue à l'époque où elle faisait un job étudiant, mais lequel? Jeune fille au père. Non, pas jeune fille au père à Londres, non. Travaillait dans la cosmétique? Non, un Francis peu comme... Delperret, elle changeait les langes des vieux. Non. Elle était serveuse aux messes du Parlement. Alors, on n'est pas très loin. Elle faisait quoi, exactement? Elle travaillait dans la petite restauration pour faire quoi, exactement? Des sandwichs. Des sandwichs, ah, effectivement. Oui, oui. Elle était serveuse dans un snack quand elle était étudiante, et selon le sénateur et constitutionnaliste Francis Delperret, qui l'a connue à l'époque, en plus d'être une étudiante brillante, elle excellait dans la préparation des sandwichs. Mais quel genre de sandwich? C'est du code. Elle faisait du sandwich. C'était de... Un sandwich de dinde. Non, mais oui, mais lequel? À la dinde. Non, pas la dinde. Non, lequel? Au pastrami. Avec un peu de tout. Avec poulet curry. Poulet curry, ah oui, effectivement. Quoi. La reine du poulet curry en tant que Jewish. Oh, c'est du code, c'est pas possible. Et quoi, c'était une autre qui faisait l'américain. Je veux dire, le jambon fromage. En tout cas, voilà, c'est ce que. Un spécial avec boulettes. C'est clin d'œil. C'est ce qu'on apprenait. Et un jus d'orange. Voilà, c'est une petite anecdote. Dur, c'est plus cher. Je me demande ce que faisaient les autres politiques. Tiens, si vous avez des anecdotes concernant les jobs d'étudiants de nos politiques, n'hésitez pas à les partager sur la page Facebook de C'est presque sérieux. On a notre séquence de l'été. Ah, mais oui, ça part sympa. Qu'est-ce que faisaient nos politiciens? Donc n'hésitez pas à nous le dire si vous tombez sur l'une ou l'autre anecdote sur la page Facebook de l'émission. L'actualité, toute l'actualité, rien que l'actualité, c'est au menu de 7h30 qui vous attend, où que vous soyez dans notre beau royaume. Oui, aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec le professeur de vos enfants pour aller chercher le fameux bulletin. comme on dit chez moi, c'est le moment de la treha. C'est le moment où tu vas prendre cher. C'est le moment où on va te punir durant les deux mois. Ah ouais, ouais, ouais. Il fallait étudier toute l'année, hein, c'est le cas de le dire. Tiens, inscrivez-vous CPSO 6031, histoire de récompenser vos enfants, ou pas, histoire de leur mettre un petit peu de l'art contemporain dans la tête. Le musée des arts contemporains en famille cet été, c'est pour vous et vos enfants. N'hésitez pas à vous inscrire. On rajoute à cela une clé USB pour le qui a dit du jour. 4 entrées pour le Max Grand Ornu. Le qui a dit, je vous le rappelle, ils nous ont menti. Qui aurait pu prononcer cette phrase? C'est dans tous les quotidiens du jour. À vous de déterminer parmi toutes les propositions que nous vous ferons dans un instant. L'actualité revue et corrigée par Daphné Dulaurier. On parlera donc dans un instant de distribution des prix de fin d'année. Absolument. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Ce week-end, vous allez en Ardennes ? Oh, regarde là-bas. Oh, il est beau le chevreuil. Oh oui. Ou bien dans un bon restaurant. Il est bon le chevreuil, hein ? Oui. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Et t'as une nouvelle montre? Ah, t'as remarqué, je viens de l'acheter, à très bon prix. Ah, classe. C'est que moi aussi j'ai fait une bonne affaire ce week-end. Ah bon? Ouais, regarde. Un porte-clé? Non mais regarde la clé. Quoi? Une Mercedes? Ouais. C'est celle-là? Oui. Tu veux faire un tour? Attends, je regarde ma montre. Oui, ça va, j'ai le temps. Jusque fin juin, chez Mercedes-Benz, profitez de conditions exceptionnelles sur les voitures de stock. Disponibles immédiatement avec 4 ans de garantie. Rendez-vous chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz ou sur mercedesoutlet.be. Offre sous conditions. La 3 en télé. Fenêtre sur Doc. L'amour du risque, de l'aventure. Des documentaires inédits pour sortir des sentiers battus. Se priver un peu, crever un peu pour mieux vivre après. Fenêtre sur Doc, chaque jeudi de l'été sur la 3. La première, Mobile Info. Et à 16h17, que se passe-t-il sur nos routes? C'est la question que nous posons, à... Alors à votre avis, qui on va la poser la question? Pierre Collard-Bovy. Ah non, c'est pas une Pierre. Fille. Si, c'est Pierre Collard-Bovy, bravo. Ouais. Bonjour Pierre Collard-Bovy, comment allez-vous? Bonjour à tous, ça va très bien. Alors que se passe-t-il pas sur nos routes? Mais écoutez, quelques ralentissements dans Bruxelles. On rappelle qu'il y a un sommet européen organisé aujourd'hui et demain. Donc ça durera jusqu'à demain, le petit souci. Le quartier Schuman est fermé à la circulation. Donc voilà, il faut savoir que par là, ça ne circule pas très bien. Alors, vous ralentissez dans le tunnel Reyers-Montgomery vers Montgomery, dans le tunnel Boileau vers Mézières, du tunnel Trône au tunnel Léopold II vers la Basilique et du tunnel Léopold II au tunnel Arlois vers le Midi. Alors, enfin, c'est terminé l'accident sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure à hauteur de Diegem. Ça provoquait pas mal de ralentissements. D'ailleurs, vous mettez encore maintenant 28 minutes pour faire le trajet Carrefour-Léonard-Zaventem en circulation extérieure, plus 24 minutes pour l'extérieur Grand Billard au titre, plus 14 pour l'intérieur au titre Grand Billard, plus 14 également pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard et plus 10 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. Un accident sur le 40 Bruxelles-Liège à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne. Première et deuxième bande ferment la circulation. La circulation donc fortement ralentie en direction de Liège. Un accident encore sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur d'Albeek. La bande droite est neutralisée. Vous perdez une quinzaine de minutes en direction de la France. Et puis on signale des ralentissements dus aux travaux sur le 403 Bruges-Tournai. Le chantier est entre Torhout et Lichterveld. Et depuis Veldegem, vous perdez une vingtaine de minutes en érection de tournée. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Excellent mardi où vous soyez en Belgique. N'hésitez pas à vous inscrire en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, nom, prénom et adresse. On joue ensemble au qui a dit dans un instant. Je vous rappellerai le qui a dit. Le temps pour nous, eh bien, de plonger dans l'actualité avec Daphné Dulaurier à quelques jours des grandes vacances. Daphné fait sa distribution des prix. Alors, ma Daphné, qui termine premier de la classe? Mardi 28 juin. Vous sentez ? Oui, ça sent la fin de l'année. Les cartables sont au bout de leur vie, les enfants aussi. Le plumier ne contient plus qu'un moignon de gomme, un crayon ordinaire de 2 cm et 8 autocollants Panini chiffonnés. Mais avant de tout envoyer bouler jusqu'à la rentrée et de se la couler douce pendant 9 semaines, il y a une dernière étape et non des moindres. L'heure est grave, le moment solennel. C'est la remise des bulletins et la distribution des prix. Alors, on va commencer par les derniers de classe, ceux qui doublent, je dirais même qui quadruplent, puisqu'ils se sont fait éjecter à quelques jours d'intervalle de l'Union européenne et de l'Euro 2016. Je parle évidemment de la Grande-Bretagne. Il ne fait vraiment pas bon être anglais ces derniers jours. On apprenait ce matin que le Parlement européen a demandé l'activation immédiate de la procédure de sortie et veut à tout prix empêcher les Anglais de choisir à la carte ce qu'ils veulent garder de l'Europe. Ça sent le vilain divorce compliqué. Ah, tu veux te casser ? Ben, n'espère pas pouvoir te la jouer tranquillou. Tiens, tu reprends ta boîte d'Earl Grey, ton mug avec la tronche de la reine, ta jelly dégueulasse et tu bouges. Et comme si ce n'était pas déjà assez compliqué pour eux comme ça, il a fallu qu'ils se fassent ramasser en 8e de finale de l'Euro par les Islandais, qui valaient a priori à peine mieux qu'une équipe de 3e division. Allez, la Grande-Bretagne, je suis désolée, mais va falloir bosser tout l'été. Hein. Donc tu vas aller me réviser ton histoire de la construction européenne en 8 volumes. Je t'ai mis aussi le catalogue H&M avec David Beckham dedans. Et puis tiens, regarde, un fast pass pour la file devant le consulat d'Irlande. Tu sais, pour ton passeport. Ensuite, on a ceux qui avaient cartonné à leurs examens de décembre, mais qui se vautrent lamentablement en cette fin d'année. Lors des élections législatives de ce dimanche, les Espagnols du parti anti-austérité Podemos se sont vus écrasés par la droite et son parti populaire. Allez Podemos, tout n'est pas perdu, le PP n'a pas encore la majorité absolue. Je suis certaine que si tu bosses bien pendant l'été, tu réussiras à trouver des compromis et gouverner avec eux. Tiens, à cette fin, je t'ai garé dans la cour de l'école le semi-remorque qui contient l'intégralité des dossiers de l'affaire Augusta, ainsi que l'un ou l'autre dossier wallon, tu trouveras sûrement de quoi t'inspirer pour tes négociations. Tiens, et tant qu'à faire, je t'ajoute un bon cadeau, Olivier Dashkin, parce que toutes ces dreadlocks comme ça sur ta tête, mais comment veux-tu être pris au sérieux, hein ? En plus, tu n'as même pas de cravate. Évidemment, last but not least, on ne peut pas décerner autre chose qu'une très grande 10 à... Ah oui, ce fameux morceau punk. Quel talent ! Eden Hazard ! Et oui, Eden Hazard. C'est un castard, et notre nouveau héros national. Depuis 2 semaines, lui et ses petits copains qui courent vite réussissent l'exploit de rendre les Belges patriotes. Le commerce du drapeau noir-jaune-rouge est florissant. Il y en a partout, même en Flandre. On se croirait un 21 juillet. Ah ben non, tiens, justement pas. Quand c'est la fête nationale, personne n'enlumine son automobile à coups de chaussettes de rétroviseur et surtout personne, à part les personnes nées avant 1950, n'accroche de drapeau à son balcon. Oui, Hazard et les diables sont rassembleurs et génèrent un engouement qu'aucun programme politique belge ne suscitera jamais. On se sent complice dans la file à la poste, chez le Douroumier, on se parle, on se dit bonjour. L'autre est notre ami, c'est merveilleux. Bon, ça durera ce que ça durera, mais en attendant, vibrer pour son pays 15 jours tous les 2 ans, c'est toujours ça de prix. En tout cas, Eden, bravo, continue comme ça, surtout ne t'endors pas sur tes lauriers. Tiens, je t'ai mis ici une belle gommette en forme de ballon de foot et un livre, La politique pour les nuls. On ne sait jamais pour ta reconversion à la fin de ta carrière. Ah, merci, Daphné Dulaurier. Tiens, en parlant de drapeau, c'est vrai que le drapeau belge, c'est le seul, en tout cas de ce que j'ai déjà vu, qui arbore des marques. Vous savez, oui, c'est vrai ça. C'est que j'ai beau chercher les drapeaux français, islandais, anglais à limite. Parce que, c'est oui, parce qu'ils ne font pas de la bonne bière. mais le drapeau belge, c'est le seul qu'on peut voir en Belgique avec une marque de bière. Ce qui est quand même phénoménal. Et la petite anecdote. Dans les clubs français. Mais est-ce que ce n'est pas interdit ça ? Normalement, ça devrait être interdit. Enfin, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec un drapeau. Je pense pas qu'il y ait de règles spécifiques au drapeau. En tout cas, il est à l'envers. Parce que dans la Constitution, le vrai sens des couleurs, c'est rouge, jaune, noir et pas noir, jaune, rouge. Ah ! Gueule et sable, c'est ça ou... En tout cas, c'est pas censé être noir, jaune, rouge. Voilà, on en apprend des choses. Bon, on va marquer une pause musicale et revenir avec le top 3 de Raoul Reyers. Ici, on s'écoutait un petit Ray Charles. Ah oui, Ray Charles, Unchain My Heart. Enchaînez-moi le cœur, s'il vous plaît. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, I'm under your spell. Like a man in a trance, like a man in a trance. But I know darn well, but I know darn well, that I don't stand a chance. So unchain my heart, unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart, unchain my heart, unchain my heart. You worry me that day. Unchain my heart. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Morceau de 1962 signé Ray Charles sur la première. Ça fait du bien. Ray Charles. Ce bon vieux Ray Charles. Pourquoi pas Ray au beurre Allez-y, le petit top 3 de Raoul. En numéro 3, on a quoi? Écoutez, on va dans le léger, vous savez bien moi. Hein. Il oublie de mettre ses lunettes et mange le savon offert pour sa fête des pères. C'est beau. Quelle forme avait ce savon? Donc, hier, on avait le petit vieux qui, sourd, se fait opérer de l'œil. Ouais. Et aujourd'hui, on a l'autre qui a 85 ans. Donc, il a croqué dans ce qu'il pensait être un bonbon, un gros bonbon, un petit gâteau. Et il a quand même mangé la moitié du savon. Oui, mais l'avantage à cet âge-là, c'est qu'il peut enlever le dentier et puis le nettoyer facilement. Il est déjà nettoyé. Attendez, ne riez pas, parce que le savon, à mon avis, les enfants ne s'étaient pas foulés. C'est un truc. Hé, papy fait des bulles. Pire que ça, ses lèvres ont gonflé. Quand il est arrivé à l'hôpital, il croyait recevoir Béatrice Dalle. En numéro 2. Hospitalisé, encore de nouveau. Ouais, on ne rit pas du malheur des gens. Oui, ça va, il s'en est sorti. Hospitalisé, pourquoi? Vous ne savez pas encore. Hospitalisé après avoir essayé de déboucher ses toilettes. Ah. Comment a-t-il fait? Eh bien, écoutez, il utilisait un produit normal, enfin normal quand on parle de desktop, je ne sais pas. Un produit décapant. Et il trouvait que ça n'allait pas assez bien. Oui. Donc, il a rajouté de l'acide chlorhydrique. Ah oui, c'est le petit chimiste, mais tout à fait. Oui. Et donc, le WC a explosé. Ça a fait une mousse terrible dans ses toilettes. Le type a été à l'hôpital. Arrêté. Parce qu'il était... Non. À Guantanamo. Mais le problème, c'est que les pompiers ont dû faire appel à leur équipe de risque technologique. Pompiers ou plombiers? Pompiers. Ah. Pompiers, oui. Ah ouais. Et le gars était... À l'hôpital, quoi. Ouais. Parce que, non pas brûlé, mais... Abîmé. Abîmé, oui. Malade. Oui, c'est ça. Il avait mal sa gorge. Alerte numéro 1. Numéro 1. Le titre des gens qu'il fallait presque nouvelle. Dire. Dites-nous. Eh bien, vous pouvez désormais chanter Happy Birthday gratuitement. Oui, mais ça fait un moment, ça. Ah non, ça vient d'être... Ça vient de tomber. Ouais. Ça vient de tomber et Stevie Wonder n'est pas mort. Il n'y a que lui qui pouvait chanter. C'est vrai. Presque c'était... Chaque fois que vous étiez dans un restaurant... Mais attendez, cette à la base... version-là, ah oui, à la base... La version c'est... de Stevie. Oui. Non, Happy Birthday, la chanson. Parce que la version de Stevie, c'est pas pour l'anniversaire, c'était pour Martin Luther King. Oui, d'accord. Ouais. Mais il n'y a que lui qui disait ça dans une chanson. Oui. Mais donc maintenant, c'est le procès fait, il y a jurisprudence et la Warner doit lâcher ses droits. Alors attention, c'est quelle version? C'est le Happy Birthday to you ou Happy Birthday? Non. Happy Birthday to you. La vieille version. Gnangnang. Mais alors, bon, tout le monde se frotte les mains. Il paraît que les roubettes vont se reformer. Le roi va l'enregistrer en breton. Nolwenn Leroy va se reformer. Charles Aznavour veut aussi sa part du gâteau et rentre en studio pour un remix spécial Seigneurie. Ouais. Et Lou de Preik cherche des bananes pour un duo avec Kiki Innocent. Ah bah voilà. J'ai une anecdote. Merci pour ce petit top 3 signé Raoul Reyers. Je les ai vus il y a deux. Qui ça? Les roubettes, ouais. Belle lurette au bal du bourgmestre de Jette, genre il y a 12 ans. Et ben voilà quoi. Ben tout est dit, restez presque sérieux. C'était... On joue ensemble au qui a dit, ils nous ont menti. C'est la phrase du jour, 4 entrées pour le Max Grand Ornu, histoire de visiter les musées d'art contemporain. Une clé USB qu'on rajoute à cela, CPS au 6031 avec vos coordonnées complètes. C'est le moment, c'est l'instant, faites-vous plaisir. Besoin d'aide pour accompagner la scolarité de vos enfants ? Faites appel aux cours particuliers à domicile Educadomo. Plus d'infos sur educadomo.be. Educadomo.be. Ah, enfin les vacances. Oui, en même temps, je pourrais très bien me choper un virus. On verra. Oui, enfin, si je pouvais éviter la touriste, hein. Bon, oui, c'est vrai, ça peut coûter très cher, un problème de santé en vacances. Mais avec l'assistance Voyage Touring, vous partez en toute insouciance à partir de 7 euros par mois. Et s'il vous arrive quand même quelque chose, Touring vous rembourse tous vos frais médicaux, sans exception. Allez, on relance la musique. Plus d'infos au 0800 24 024. Offre soumise à condition. Camille, vous cherchez quelque chose ? Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge. Mais ne restez pas planté là. Allez, hop, hop, hop, cherchez avec moi. Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure pour retrouver vos affaires d'été. Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour réaliser le dressing de vos rêves. En plus, chez Camber, en ce moment, c'est l'action été. Camber, more space for your place. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour le Diable Rouge. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. La première présente la 51e édition des Vacances Théâtre de Stavelot. 22 spectacles avec Anne Roumanoff, Pierre Kroll, Alex Vizorek, Bruno Coppens, Josu Ben. Un programme exceptionnel, humour, théâtre, spectacle de rue. Les VTS reviennent dans le cadre enchanteur de l'abbaye de Stavelot du 30 juin au 10 juillet. Infoweb, festival-vts.net. Les musicales de Belœil 2016, place à la danse. 8 heures de programmation, des centaines d'artistes et des projets chorégraphiques pour petits et grands. Venez profiter de découvertes musicales dans une ambiance festive et familiale, sans oublier le feu d'artifice. Les musicales de Belœil, le 6 août dès midi. Infos et réservations lesmusicalesdebelœil.be ou Ticketmaster. Avec la première, la une et la Libre Belgique. La première. 16h31. Votre journal, Simon Bourgeois, bonjour. Bonjour. L'Europe veut que les Britanniques partent le plus vite possible. Succession de déclarations au sommet européen à Bruxelles aujourd'hui. Donald Tusk, par exemple, le président du Conseil, est prêt pour lui. On peut commencer à négocier aujourd'hui. Il presse les Britanniques. Même chose pour François Hollande. On peut entamer le Brexit au plus vite. Le Parlement, lui, a voté une résolution qui dit la même chose. Ce midi, tout le monde est suspendu à la décision des Britanniques. Ce sont eux les maîtres de l'agenda. C'est Londres qui doit entamer officiellement la procédure de divorce. Le Premier ministre britannique, lui, semble moins pressé. Il veut que ces discussions soient constructives. C'est ce qu'il a dit en arrivant au sommet à Bruxelles cet après-midi. Chez nous, 580 emplois menacés. La société qui édite les pages d'or est en faillite. Les syndicats craignent qu'ils passent tous à la trappe. Truvaux emploie 140 personnes en Wallonie, le reste en Flandre et à Bruxelles. Tennis, deuxième journée au tournoi de Wimbledon à Londres. Une Belge au programme aujourd'hui, Alison Van Uytvanck. Elle s'apprête à jouer contre la Britannique Tara Moore, 227e mondiale. En foot, pas de panique pour Eden Hazard. Il est resté à l'infirmerie ce matin. Pas d'entraînement pour le capitaine. Il a une contracture à la cuisse, mais rien de grave. Ça ne compromet pas la suite de son euro. Voilà pour le titre de l'actualité. Merci Simon. Ouais. Retour dans l'info justement tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Le qui a dit du jour, je vous le rappelle et je vais le rappeler à Pascal. Ils nous ont menti. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous allez bien, vous venez de Braine-l'Alleud, vous êtes assistante administrative. Bientôt les vacances pour vous, Pascal ? La deuxième quinzaine du mois d'août. Ah, et vous partez où exactement ? En Irlande. Ah, en Irlande, chercher du beau temps. Ah, j'allais chercher la nationalité. J'ai compris. Ma chère Pascal, la phrase du jour et les propositions que nous allons vous faire pour tenter de repartir avec quatre entrées pour le musée des arts contemporains ainsi qu'une clé USB. La phrase, je la rappelle, ils nous ont menti. Une proposition pour commencer, celle de Raoul Reyers. Eh bien, c'est l'habituel et ami Marc Goblet qui a déclaré à propos des météorologistes de l'IRM qui avaient prévu du beau temps pour la grève. Ils nous ont menti. C'est vrai, il a fait dégueu ce jour-là quand même. Ouais. Ils étaient transpercés, les pauvres. Même pas certain qu'ils soient sortis. Finalement. Marc Goblet pour Raoul Reyers. Ils nous ont menti. Catherine Ronvaux. Eh bien, c'est chez Paradisa. C'est pas un panda qui est né, c'est un dalmatien. Il y a bien des tâches, mais il commence à aboyer. C'est Paradisa. Ok, d'accord. On va demander à Daphné Dulaurier. Eh bien, pas du tout, du tout. C'est évidemment Françoise Berthiaud, la chef de file MR au Parlement de la Communauté française. Elle a prononcé cette phrase à propos de Benoît Lutgen et Rudy de Motte, qui avaient promis que le remplacement de Joël Milquet par non pas une, mais deux ministres ne coûterait pas un euro de plus. Or, la ministre Alda Gréoli vient de demander la prise en charge de son salaire par le Parlement. Ouh, pas bien. Oh là là, chômage. On va demander à Edgar Schotz. Edgar, ils nous ont menti. Bah, qui parle de lui à la première personne du pluriel? Ils nous ont menti. Hein, il dit nous, donc c'est Alain Delon. Mais je ne sais pas à propos de quoi. Alain Delon. Pour Edgar Schotz, hein, qui, n'a rien préparé, propose toujours Alain Delon. Ils nous ont menti. Et enfin, Manu Di Pietro. Ils nous ont menti, on nous avait dit qu'on sortirait l'Islande et qu'on resterait en Europe, et on s'est fait fourrer, c'est l'inverse. Ce sont les joueurs de l'équipe d'Angleterre. Les joueurs de l'équipe d'Angleterre. Ma chère Pascal, procédons par élimination. Je vous rappelle la phrase, ils nous ont menti. Les propositions que voici, Marc Goblet, quelqu'un, Peridaïsa, Françoise Berthiaud, Alain Delon ou les joueurs de l'équipe d'Angleterre. Oula, c'est pas facile. Par élimination, Marc Goblet, on l'élimine. Marc Goblet, on l'élimine. Oui. Raoul Reyers, une petite imitation de Marc Goblet. Je suis un peu triste. Dites-le avec accent. Je suis un peu triste. Voilà. Oh, il faut pas. Voilà. Non, c'est plutôt. Je suis un peu triste. Peridaïsa, on élimine également. On élimine. Ok. Il reste Françoise Berthiaud, Alain Delon ou les joueurs de l'équipe d'Angleterre. C'est vrai que c'est difficile. Alors. Je vais choisir Françoise Berthiaud. Eh oui, c'est Françoise. C'est un choix peu courant. Madame Berthiaud, effectivement, la polémique était née lors de la démission de Joël Milquet à mi-avril. Le CDH l'avait remplacé par deux ministres, Alda Gréoli et Marie-Martine Schinz. Face à cette polémique sur l'inflation ministérielle, son président, Benoît Lutgen, avait promis que des économies dans les cabinets seraient réalisées pour que cela ne coûte pas un euro de plus. Sauf que pour Françoise Berthiaud, eh bien, Lutgen et De Motte nous ont menti. Est-ce que la promesse est tenue? Absolument pas. C'est ce qu'elle s'exclame aujourd'hui, la chef de file MR au Parlement de la Communauté française. Voici 15 jours au bureau du Parlement, Alda Gréoli nous a demandé la prise en charge de son salaire par le Parlement. Affaire à suivre. Oui, mais j'ai vu que je ne comprends pas très bien parce qu'elle a déclaré qu'elle rembourserait son salaire. Comment? Ça, je ne sais pas, sur sa cagnotte personnelle. Alors là, lui dire, ça ne coûte rien. C'est ça. Je rembourserai. Je l'ai dit. Voilà. Je suis de bonne foi. J'ai pas dit quoi, j'ai pas dit combien. Et voilà, j'ai dit, j'allais le faire. En plusieurs fois. Parce que... un plan d'appurement. C'est ça. 20 fois sans frais. Ouais. C'est donc gagné, ma chère Pascal. On vous envoie très rapidement ces entrées du côté pour aller faire un petit tour au musée des arts contemporains, le Max Grand Ornu, histoire de visiter ce beau musée en famille. Et on rajoute à cela une clé USB, la première. Voilà, ma chère Pascal, de très bonnes vacances. Restez-nous fidèles. Restez traitement léger aussi de l'actualité que vous faites. C'est, vous savez. Très amusant. Écoutez, léger, vous êtes gentil. Il y a des moments où on peut. J'ai un peu pris. Ouais, il y a des moments où on peut. On peut gratter, mais c'est vrai qu'on le fait avec légèreté. Et tout en impertinence. C'est un mot qui nous colle bien la peau. L'impertinence. Dilettante. Voilà. Restez-nous fidèles, ma chère Pascal. De très bonnes vacances du côté de l'Irlande. Et revenez-nous en pleine forme, forcément. Irlandaise. Faites comme Pascal, justement. Inscrivez-vous et revenez et repartez, surtout avec quatre entrées pour visiter la Boverie, le tout nouveau lieu touristique de Liège, à la fois musée des beaux-arts et centre d'exposition de qualité internationale. On rajoute également à cela une clé USB, la première. CPS au 6031, 75 centimes le message. Nom, prénom et adresse. Ce sera pour le presque jeu dédico avec un mot que nous avons récupéré de l'actu du jour, des définitions qui vous seront faites et ce mot, eh bien, nous le rattacherons à une actualité. En attendant, actualité toujours avec Catherine Ronvaux. Catherine Ronvaux, c'est la fin de l'année. Aussi. Ah oui, c'est la fin de l'année. Qui dit fin de l'année dit l'épreuve de la remise du bulletin. Citez-moi une œuvre de Corneille, s'il vous plaît. Une œuvre de Corneille, une œuvre. Allons, on vit. Chaque jour comme le dernier, parapapa. La fin de l'année, les proclamations, les remises de bulletins et l'annonce des échecs, c'est parfois dur d'être parent, n'est-ce pas, ma chère Catherine? Oh, ce matin, je suis allée chercher le bulletin de mon fils. On aurait pu avoir le bon, lui, la brute, moi, et le truand, son titulaire, mais non. J'allais devoir me la jouer solo. Le oui-oui salopard était parti au camp la veille et me laissait seule régler cette affaire. J'étais donc seule. Je suis entrée dans la classe. J'ai plongé mon regard dans celui du titulaire. J'ai rejoint la chaise vide et face au professeur. C'était une véritable séance de tir au but. Il a commencé en douceur, en me parlant de la première partie de l'année. À la mi-temps, il est tout simplement fantastique. Oui, c'est vrai, je dis un bon début d'année, tout à fait correct. Un peu de mal en français quand même, surtout à la lecture de La Guerre et Paix. Il a eu du mal. On prend son temps, mais on fait les choses bien. Oui, oui, mais quand même, le coupège, à la 43e minute, il en était toujours à la première page. Il a mis 7 mois pour lire cette brique et pour se rendre compte à la fin qu'il n'avait rien compris. Dites, vous ne le trouvez pas un peu distrait? Je sais qu'il a été sélectionné, mais j'ai l'impression qu'il ne parvient pas toujours à se concentrer, à rester sur une même matière plus de 4 minutes. Ça passe d'un côté à un autre, de manière à déstabiliser le bloc. Et puis ensuite, ben, ça combine devant le grand rectangle, oui. C'est un peu trop facile d'ailleurs. Ben oui, oui, ça combine. Quelle combine, hurlais-je. Ne me dis pas qu'il fait des antisèches. Ah ben voilà. J'avais acheté des cartons rouges pour inviter nos voisins au barbecue de fin d'année. Je sais où ils sont partis, mes cartons rouges. Oh, vous savez quoi, je ne sais plus comment le prendre, moi. Je ne sais plus. Surtout qu'il a un bon fond, c'est vrai. Il a quand même nettoyé tous les bancs de sa classe, par exemple. C'est une belle action du début à la fin. C'est une belle action. Ben oui. Après, le titulaire m'a quand même signalé qu'il avait d'abord écrit « Fuck l'école » avec deux L. et qu'il avait dessiné des cornets de glace à deux boules à peine crédibles et pleins de poils. Bon, là, ça a été le moment décisif. C'est là que s'est joué son année, finalement. C'était le tournant du match, comme on dit. Il m'a parlé de ses lacunes, de son manque d'agressivité dans les phases d'études. Il ne se démarquait pas assez. Il m'a dit qu'il lui manquait... cette lucidité de tous les instants. Il parlait de mon fils, quand même. J'étais un peu déboussolée. Par contre, de leur côté, tous les profs, les éducateurs, les staffs techniques, quoi, ils ne se remettaient absolument pas en question vis-à-vis du travail dans la classe. On a l'impression qu'il y a une vraie méthodologie qui a été appliquée dans cette équipe. Oui, mais qu'est-ce qui a foiré, alors? D'où vient la faute? Pourquoi vous le faites rater son euro? Pas pardon, son année? On avait beaucoup de déchets, beaucoup de passes ratées, de contrôles ratés, donc à ce niveau-là, c'est pas normal. Donc il le paye cash. Bah oui, vous êtes comique, vous. C'est nous, les parents, qui payons cash, les livres, les manuels scolaires, les abonnements, les bus, les voyages, et j'en passe. Mais c'est dans l'immobilier que j'aurais dû investir, pas dans les enfants. À mon avis, c'est pas loin de la vérité. Bah oui. Alors là, j'ai pas pu me retenir, j'ai explosé. Il a essayé de me calmer en me disant que j'en faisais un peu trop, que j'étais limite hors-jeu et que ce n'était pas si grave. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de qualités techniques, surtout qu'il n'était pas mis sous pression, il était souvent dans des situations confortables. Oui. Mais Cali évoquait tout à l'heure la longueur et la durée de ses championnats. Ben oui, il parlait des sessions d'examen. Il me prenait un peu pour une conne. Les pauvres choux, 2 semaines tous les matins, avec l'après-midi pour étudier la matière de l'année. C'est quand même pas la mer à boire, surtout qu'à son âge, c'est pas la mer qu'il boive, c'est de la despé. Et la despé, maintenant, c'est moi, sa mère. Enfin, j'étais carrément sur le banc de touche. Et lui, de continuer à le défendre malgré tout. Là, il y a un lien de cause à effet. Peut-être que ces joueurs arrivent complètement cramés. Moi, je pense qu'à l'inverse comme un Cristiano Ronaldo, il était un petit peu scellé aussi dans cette équipe. Il y a eu quelques flashs. Quelques joueurs, mais voilà, on ne peut pas effectivement tout mettre sur une seule personne. C'est très difficile. Oui, très difficile. Et je conclus. Et je me suis levée. Je ne voulais pas jouer les prolongations. J'ai serré la main du titulaire. Ce qui est difficile, monsieur l'arbitre, c'était son nom, l'arbitre, c'est de se rendre compte qu'on a été dribblé par son propre enfant, qu'il va falloir le cadrer serré même. Lui qui n'arrête pas de dire « je m'en bats les couilles » comme De Bruyne, qu'il aille un peu voir la couleur de celle de Witzel après le coup franc de dimanche. Ah, comme dirait cette belle réplique du bon, de la brute et du truand, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un flingue chargé et ceux qui creusent. Et toi, tu creuses. Voilà. À 16h43, on revient avec toute l'actualité et non pas le qui a dit, mais le presque jeu dédico avec un mot extrait du quotidien des définitions. Nous vous proposerons, et à la clé pour vous, 4 entrées pour visiter la Bovary, le tout nouveau musée des Beaux-Arts et centre d'exposition de qualité internationale du côté de Liège. On rajoute à cela une clé USB, la première. Vous envoyez CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Une presque star également au rendez-vous. On vous emmène jusqu'à 17h30, comme tous les jours de la semaine, sur la première. Oui, nous sommes presque sérieux. C'est presque sérieux sur la première. Walid, jusqu'à 17h30. Un site d'offre d'emploi traditionnel, c'est que vous êtes un homme. Que vous recherchez un emploi fixe. En tant que ingénieur. Autour de Charleroi. Notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus. Alors, Stéphane, il aime travailler en équipe. Dans son boulot, c'est un as. Il accorde une grande importance aux formations et il se rend de préférence au bureau à vélo. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you. La première et la trois présentent l'exposition En plein air, à la Beuverie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeuverie.com. La Beuverie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. Vous avez un barbecue, un anniversaire, un mariage peut-être ? Eh bien, annulez ! Parce que c'est la semaine Quick Deals chez Citroën. Avec des primes de reprise, des options jusqu'à moitié prix et en plus du 24 au 30 juin, une extension de garantie à 4 ans sur nos véhicules de stock. Profitez vite des Quick Deals chez Citroën. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. La première, Mobile Info. Et à 16h presque 45, que se passe-t-il sur nos routes ? La réponse avec Pierre Collard-Beauvier. Eh bien, toujours des ralentissements dans la plupart des tunnels de la capitale. On rappelle aussi de ne pas s'aventurer du côté du quartier Schumann, puisqu'il est fermé à la circulation en raison du sommet européen qui se tient jusqu'à demain soir. Alors, sur le ring de Bruxelles, eh bien, des ralentissements. 24 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre. 23 minutes en plus pour l'extérieur Carrefour Léonard-Zaventem. Plus 21 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour-Léonard, plus 17 pour l'intérieur au titre Grand Bigard, plus 12 pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem, et plus 10 pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. Donc c'est un ring bien chargé à cette heure-ci. Un accident sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur d'Albé, que vous perdez un bon quart d'heure en direction de la France. Des travaux vous ralentissent sur le 19 Bruxelles-Valenciennes à hauteur de Nîmes-Mézières. La bande droite est neutralisée. Vous perdez une dizaine de minutes en direction de Valenciennes, donc de la France également. Ralentissement dû aux travaux sur le 403 Bruges tournée entre Torhout et Lichterveld. Vous êtes ralenti depuis Veldegem et vous perdez 20 minutes en direction de Tournai. Accident pour terminer sur le 313 Anvers-Liège à hauteur d'Erentals-Est. La voie d'accélération est neutralisée et il y a formation de file en direction de Liège. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur ? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Presque star, dans un instant et tout de suite, eh bien, nous jouons avec Pierre de Scarbec. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Walid. Bon, vous allez bien ? Très bien, vous-même. Ah bien, écoutez, ravi de vous avoir avec nous. Vous êtes rentier, mon cher Pierre. Oui, effectivement. C'est un métier que nous vous envions. Quand bien vous fasse. Moi, quand j'étais petit, c'est ce que je voulais faire. Quand je serai grande, je serai rentier. Oui. Moi, toujours à mon âge. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, voilà, j'ai déchanté. Je me suis dit, bon, bah, travaille, mon grand, travaille. Mon cher Pierre, l'actualité est rythmée par des mots, vous le savez. Et un mot, justement, que nous allons vous proposer, sans plus attendre, le voici, ce mot. Il s'agit de sweepstake. Alors, sweepstake. C'est pas l'équipe de cyclisme, l'équipe sweepstake. Voilà. Donc ce n'est pas, c'est peut-être aussi du. C'est un steak pour vous, c'est ça le sweep. Le steak. Ah, sweep. On n'est pas loin. Ah, eh bien, on va demander à Raoul Reher, tiens, la définition. Eh bien, c'est sympa, Walid, d'avoir choisi un mot qui a un rapport avec la cuisine. Vous connaissez tous les pieds et paquets. Les pieds et paquets, oui. Ah, on connaît ça. Ben oui, vous savez ce que c'est. Les pieds de cochon, si, c'est bon. Non, c'est de la des pieds de mouton. Oh, Raoul, entre hier de la panse, voilà, entre la panse et les pieds de mouton, je ne sais pas ce qu'il veut. C'est aussi de la panse. C'est de la panse et des pieds de mouton mijotés dans une sauce au vin blanc et à la tomate. C'est très, très bon. Hein. Oui. Et c'est très rare, c'est difficile à trouver. En Provence, on en trouve. Oui, c'est ça. La panse de mouton. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Parce que c'est une soupe écossaise. Et demain, le carpaccio de pied de vache. C'est une soupe écossaise à base de haddock et de pommes de terre. Une soupe écossaise. C'était un peu fade, donc j'ai préféré parler un truc un peu de goût avant. Une soupe écossaise pour Raoul Reher. Ça m'a l'air sérieux. Ah ouais. Le sweepstake pour Catherine Ronvo. Eh bien, pas du tout. C'est une danse érotique qui consiste à attraper son partenaire enduit de miel. Même s'il y en a de moins en moins en été, on déconseille de le faire à cause des abeilles. Il y a de moins en moins de partenaires en été, vous avez constaté aussi. Danse érotique, Edgar Schotz, qu'est-ce que le sweepstake ? Mais vous avez bien fait de commencer par demander à Raoul, puisque ça a évidemment à voir avec la viande, mais ce n'est pas sweepstake, c'est sweetstake. Et donc c'est un steak doux, en effet. Confit. Un bleu blanc belge, quoi. Voilà, avec du confit d'oignon. Un steak doux. Manu Di Pietro, le sweepstake. Eh bien, c'est un mot qui nous vient des États-Unis et qui désigne une loterie, soit dans le milieu équin, soit plus généralement en désignant des jeux d'argent. Oh, c'est beau, c'est beau. Et enfin, Daphné Dulaurier, le sweepstake. Alors, le mot sweepstake est un néologisme inventé par Sophie Favier, lui permettant d'auto-évaluer l'épaisseur du cheveu qu'elle a sur la langue. C'est pas mal. De l'auto-évaluation pour Sophie Favier, donc, pour le sweepstake. Eh bien, on va poser la question à Pierre. Procédons par élimination. Mon cher Pierre, à votre avis, quelle est la bonne définition? Je vous les rappelle, il y a une soupe écossaise, il y a une danse érotique, il y a un steak doux, il y a une loterie, où il y a cette fameuse technique d'auto-évaluation pour maîtriser la densité de la chevelure qu'on a sur la langue. Son nom lui suffisait. Ouais. Le néologisme, vous n'y croyez pas, donc on enlève. Parfait, il nous reste la loterie, le steak doux, la danse érotique ou la soupe écossaise, ou voilà. La danse érotique, j'y crois pas non plus. Je sais pas pourquoi. Vous avez bien tort. Vous avez raison. Si on n'y croit pas, ça marche pas. Vous avez raison. Alors, la soupe écossaise, ils ont d'autres spécialités, donc j'enlève. C'est vrai, vous avez raison. Ils ont la douche, par exemple. Alors, voilà. Il reste le steak doux ou la loterie? La loterie, il a les trous. Le steak doux. Le steak doux, voilà. Vous dites le steak doux. Qu'on enlève. Oui. Le sweepstake. Et donc, vous rattacherez ce mot à quelle actualité, à votre avis? Où est-ce que vous avez lu une info ou entendu une info, par exemple, sur la première où on parlait de steak doux? C'est l'instinct qui me fait dire ça. Ah, que... est-ce que... Faites bien d'être entier. Vous me l'enlevez de la bouche. Est-ce que d'habitude, votre instinct vous dicte le bon? Est-ce que vous suivez systématiquement oui, votre général, instinct? Oui. Ah, vous doutez, là, je sens. Alors là, vous doutez. Donc... Vraiment sûr. Alors... Il est meilleur en placement qu'en tout cas. À votre avis. Le sweepstake. C'est donc le 3. La loterie. Ah bah oui, c'est la loterie. Je gagne. Ah bah vous êtes rentier forcément, vous gagnez à tous les coups. Vous gagnez à tous les coups. Clairement, c'est une loterie qui consiste donc à tirer au sort les chevaux engagés dans une course dont le résultat détermine le gain des joueurs, donc un jeu de hasard avec gain d'argent à la clé. Alors pourquoi on en parle, à votre avis? Parce qu'il y a de plus en plus de Belges qui jouent la loterie. Alors ce n'est pas parce qu'il y a de plus en plus de Belges qui jouent, c'est juste l'inverse, c'est qu'il y a de plus en plus de paris et que les Belges en ont ras-le-bol. Il y a une overdose après 18 jours d'euros. Il y a d'un côté ceux qui ont déjà complètement marre de regarder le football à la télévision, puis il y a ceux qui en redemandent mais qui n'en peuvent plus de regarder des publicités pour les paris sportifs. Le barbu crawlé, le chien, la totale. On connaît tous une pub sur le pari sportif. Et donc avant, pendant et après les matchs, c'est une véritable déferlante de spots pour les opérateurs de jeux en ligne. Impossible donc d'y échapper. Et pour cause, le marché du pari sportif est en pleine expansion à l'échelle mondiale. Il pèse près de 120 milliards d'euros portés par l'engouement donc, pour les paris en ligne. Pour rappel, la Belgique a mis en œuvre en 2011 une nouvelle loi réglementant les jeux de hasard avec l'octroi d'un nombre limité de licences, tant pour organiser des jeux dans le monde réel que sur Internet. Et donc, pendant 7 euros, le patron d'Ardent Group Kunstate, un doublement du trafic en termes de nouveaux inscrits, vient faire en sorte que on en a marre, on est gavé, on n'en peut plus. Hein, Mais par ailleurs, il y a de plus en plus de Belges qui jouent au jeu de loterie. Aussi, de plus en plus. Donc c'est gagné, mon cher Pierre, on vous envoie très rapidement 4 entrées pour aller faire une visite à la Beauvrie, ce nouveau lieu touristique liégeois, un très beau musée des beaux-arts et centre d'exposition de qualité. On rajoute également à cela une clé USB, la première. Et vous dire aussi... Vous dire aussi que la soupe de haddock et de pommes de terre, ça existe vraiment, c'est un plat écossais et ça s'appelle le Cullenshing. Merci, après le Hangus d'hier, le Cullenshing. Merci pour ce moment culinaire. La première, la radio qui fait gagner les rentiers. Eh bien, on vous embrasse, mon cher Pierre. Restez-nous fidèles. Je vous écoute tous les jours. Rien d'autre à faire non plus. Restez-nous fidèles, mon cher Pierre, et restez attentifs car nous allons accueillir maintenant une presque star. C'est presque sérieux sur la première. Notre presque star est avec nous. Il répond au prénom de Théodore. Bonjour Théodore. Bonjour. Vous allez bien? Oui, tout à fait. Alors pourquoi parle-t-on de Théodore? Vous avez exactement 2 minutes pour tenter de le découvrir. Je ne réponds à vos questions que par oui ou par non, mes chers amis. Parce que depuis hier, c'est le dernier Théodore survivant. Non, c'était pas ça. Il a réussi ses examens, lui. Réussir ses examens, certainement. Mais ce n'est pas pour cette raison que... Il est très intelligent. C'est ça que il est très intelligent parce qu'il a une idée. Voilà. Une start-up. Une start-up... Une idée qui vend ou une idée qui aide? Est-ce que c'est une idée qui vend ou une idée qui aide, mon cher Théodore? Plutôt une idée qui aide. Une idée qui aide, voilà. Il centralise les besoins de quelque chose, de quelqu'un, de nous. Oui. Il est en relation des gens. Oui, aussi, ouais. Est-ce que c'est technologique? C'est technologique, ouais. Oui. Une application? Oui. C'est une application, enfin, plutôt pas une application. Un site internet. C'est pas un site internet, non. Une page? Non. Une roue? Non plus. Manivelle? Non. Alors, restez dans l'actualité. Bon. Laquelle? C'est football. Football. On est autour du football. Les fans, oui, mais qu'est-ce qu'il propose? Il propose aux fans de se rencontrer dans le salon d'un autre fan pour regarder le match ensemble. Non, alors vendredi, qu'est-ce qui se passe? Il y a les diables qui... Ah oui, adopte un Belge. Adopte un Belge, voilà, bravo Manu, bravo Daphné. Hashtag adopte un Belge, effectivement. Une initiative de cet internaute, Théodore, qui est avec nous pour le match Pays de Galles-Belgique. Parlez-nous-en justement, Théodore, de cette initiative. Voilà, Lille est pas loin. On avait vraiment envie d'aller supporter les Diables Rouges sur place, pas d'être dans le stade, mais de fêter ça dans la ville avec les Lillois et d'autres supporters belges. On a cherché l'hébergement, c'était pas évident, et donc on s'est dit, est-ce qu'on n'appellerait pas les Lillois et on leur demanderait pas leur hospitalité et de l'année l'idée de faire le hashtag Adopte un Belge et de leur demander l'hospitalité pour une nuit. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà des retours? Vous, par exemple, vous y allez au match de vendredi? Moi, je vais de toute façon à Lille. Les retours, on commence à en avoir pas mal. J'ai pas encore eu le temps de vraiment tout analyser aussi parce que ça fait un petit peu le buzz. Mmh. Mais voilà, je vois que des amis commencent à s'organiser. Il y a pas mal de demandes et l'offre commence à arriver. Ouais, par exemple, ce week-end, vous n'avez pas envie d'aller voir le match, mais vous avez envie de faire des emplettes. Vous mettez le hashtag adopte un Belge. Le problème, c'est qu'il faut s'habiller en rouge. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un souci. Et est-ce qu'il n'y a pas des dérives par rapport à ce genre d'initiative, Théodore? Du style des gens qui pourraient abuser? Comme ce que je viens de proposer. On verra, honnêtement, on n'a pas réfléchi à ça. Mmh. Ici, c'est vrai que c'est complètement basé sur la confiance, il faut le sentir. Nous, on se contente d'avoir créé le hashtag, c'est les gens qui se mettent en contact. Donc ça se passe sur Twitter, donc le hashtag adopte un Belge. Et vous ne proposeriez pas adopte un Anglais plutôt? Oui, ça peut être bien ça. Mais ça, c'est pour plus, ça durera plus longtemps. C'est ouais. Ça. Ouais, il faut l'élever, ouais, un support psychologique. Il faut prévoir une chambre. Il y a plein de choses. Mais déjà. Donc, une très belle initiative de Théodore, qui était notre presque star du jour. Adopte un Belge. Tiens, tant qu'on vous a au bout du fil, mon cher Théodore, le pronostic pour Pays de Galles-Belgique, ce serait d'après vous combien? Bah, ça a été dur pendant les qualifs, mais cette fois-ci, c'est nous qui allons gagner. Moi, je pronostique 2-1. 2-1 pour la Belgique. Je note, je ferai un pari. Si je gagne, j'irai faire mes courses à Lille. Merci à vous, mon cher Théodore. On mettra d'ailleurs ces infos concernant ce fameux hashtag si vous souhaitez aller du côté de Lille supporter les Diables Rouges et y rester, parce que oui, vous allez forcément consommer des boissons alcoolisées. Et on rappellera bien entendu, toute boisson alcoolisée se consomme avec sagesse. Oui, parfois. Et volume. Mais là-bas, on peut manger des couilles de Suisse. Oui, aussi, mais vous faites ce que vous voulez de votre vie privée, ça ne nous regarde pas. C'est ce qu'ils ont fait après l'élimination. au moins, voilà. Donc, on mettra tout ça sur la page de la première, lapremière.be, sur le Facebook de l'émission. Restez avec nous, on s'informe à 17h. On revient avec le Presque un jour dans l'histoire. On aura encore droit à d'autres pages de l'actu de ce mardi 28 juin. Que je vous souhaite excellent à l'écoute de la première. Est-ce que tout le monde est presque sérieux? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde est presque sérieux? Oui, ça va. Oui. Ce week-end, vous allez suivre les Belges sur écran géant? Olé, olé, olé, olé. Ou bien fêter l'anniversaire de Mémé? Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre s'offrir un nouveau smartphone et partir en vacances. Oh, un nouveau smartphone! Ah oui, ça sonne bien, ça. Ou des vacances au soleil? Ah, oh, ça sonne plutôt pas mal non plus. Et si je m'offrais les deux? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphones dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Salut Julie. Allez, viens, monte. Salut. Oh, t'as acheté le nouveau TomTom? Ouais, c'est comme si j'avais ma route privée pour aller au travail. Ah oui? Ça fait quoi? Eh ben, ça fait... Ah, ouh. Où je m'étais pas senti comme ça depuis les années 90. TomTom, prenez goût à la conduite prioritaire. Roulez malin et découvrez le sentiment TomTom chez Vandenborg. La première et Ouf TV présente l'expo Wow, le mouvement comme vous ne l'avez jamais vu. Tigres qui bondissent, zèbres qui galopent, lionnes en chasse. Tous arrêtés en pleine action. Des scènes spectaculaires de taxidermie acrobatique. Une expo d'une beauté sauvage à vous couper le souffle. Au Muséum des sciences naturelles à Bruxelles, avec le journal Le Soir. La première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Dans l'Union européenne, on est marié ou divorcé et pas entre les deux. Cette phrase, c'est Xavier Bettel, le Premier ministre du Luxembourg, qui l'a lancée à son arrivée à Bruxelles, le sommet européen des chefs d'État et de gouvernement. Ils doivent discuter du Brexit. Beaucoup d'entreprises ont développé ces dernières années un service d'aide à la mobilité pour leurs travailleurs, mais elles plaident pour une approche fiscale de la mobilité et en appellent aux pouvoirs publics. Quelle est la situation sur les routes à cette heure-ci, Pierre Collard-Beauville? Une circulation bien encombrée, bien difficile sur le ring de Bruxelles pour le moment. Et puis attention, ce camion en panne sur le 411 Bruxelles-Luxembourg, c'est à hauteur de Houdemont en direction de Luxembourg, ce camion sur la bande de droite. Les 28 chefs d'État et de gouvernement sont réunis en ce moment même à Bruxelles. C'est leur première rencontre depuis que les Britanniques ont dit vendredi dernier qu'ils voulaient quitter l'Union européenne. David Cameron, Premier ministre démissionnaire, a répété à son arrivée qu'il ne lancerait pas officiellement la procédure de divorce. Ce sera pour mon successeur à la fin de l'été, a-t-il répété. Ses partenaires vont lui demander une nouvelle fois de ne pas laisser traîner les choses, de mettre fin au plus vite à cette incertitude. Les 27 autres qui vont aussi se retrouver dès demain sans le Royaume-Uni pour avancer. Pour Xavier Bettel, Premier ministre luxembourgeois, il faut avancer unis à 27. Je ne veux pas faire des petites réunions à fondateurs, pas fondateurs, nouveaux, anciens, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. On doit à 27 aujourd'hui définir une feuille de route sur laquelle on va. Vous savez, on n'est pas sur Facebook où le statut est compliqué. Ici, on est ou marié ou on n'est pas marié. Les Britanniques ont décidé de lancer une procédure de divorce, alors on doit avancer sur le dossier. Je vais dire à David Cameron que pour un calcul politique national, il a mis la Grande-Bretagne aujourd'hui dans une situation qui est celle qu'elle est. On voit la situation des bourses, on voit la situation économique actuellement. Et on voit qu'on risque de perdre un partenaire, vu le choix qui a eu lieu, que c'est une procédure qui a commencé, qui est l'article 50, que eux doivent invoquer. David Cameron a décidé que c'était au futur gouvernement de le faire. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'à 27, on se mette d'accord sur une feuille de lutte, qu'on ait de la clarté. Le pire, ce serait de ne pas être d'accord et de ne pas savoir dans quelle direction on va. Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois, propos recueillis par Anne Blanpin. Cet après-midi, David Cameron a fait, lui, la liste de ses souhaits. Il a demandé que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne soit négociée de manière aussi constructive que possible. C'est le casse-tête quotidien de beaucoup de travailleurs. Leur déplacement entre le domicile et le travail absorbe une bonne partie de leur temps, mais aussi de leur énergie. Les problèmes de mobilité coûtent également cher aux entreprises. Le SPF, Transport et Mobilité, vient de remettre à jour son étude sur la question. Les résultats montrent qu'en 10 ans, la situation n'a guère évolué, même si l'utilisation de la voiture tend à diminuer un petit peu en Wallonie et en Flandre, plus significativement à Bruxelles. Pourtant, Pierre Magos, les entreprises réalisent de gros efforts en matière de mobilité. Elles accordent à leurs salariés deux fois plus d'indemnités vélo qu'il y a 10 ans. Elles offrent de plus en plus la gratuité des transports en commun. Elles encouragent le covoiturage, le télétravail. Beaucoup se sont dotés d'un vrai service d'aide à la mobilité. Valérie Legas en est la responsable pour la société Elia. On a un budget annuel pour la mobilité, pour le développement infrastructure vélo ou alors infrastructure voiture électrique. Et donc, on a un budget également pour les formations qu'on donne au personnel, pour les formations éco-driving. Et ça représente combien ? Plus ou moins 40 000. Exclusion de tout ce qui est abonnement SNCB, etc., qui est géré par les ressources humaines. Donc vraiment, la partie gérée au département environnement, mobilité. Des coûts qui restent dissuasifs pour certaines entreprises, d'autant que ceux qui en ont l'expérience reconnaissent eux-mêmes que le retour sur investissement n'est pas facilement chiffrable. Benoît Losvelt est coordinateur mobilité dans une institution de crédit. Non, c'est pas facile. D'un, parce qu'on n'a pas de budget spécialement. Deux, parce que c'est pas financièrement un impact direct. Et trois, après, on est dépendant des transports en commun, des grèves, de toute une certaine chose, et beaucoup de règles fiscales et sociales. On ne fera pas l'économie d'une approche fiscale de la mobilité ? Ah non, ça non. S'il n'y a pas d'avantage au niveau fiscal et au niveau social, on n'avancera pas. Bref, les entreprises disent faire leur part du boulot. Elles en attendent autant des pouvoirs publics. 580 personnes risquent de perdre leur emploi. Le groupe Trouveau dépose le bilan. C'est l'éditeur des annuaires téléphoniques. Cela donc pourrait signifier la fin des célèbres pages d'or. Une offre de reprise aurait été déposée. Elle est pour le moment analysée par le curateur. C'est la fin de l'année scolaire. Les élèves reçoivent leurs résultats. Dans l'enseignement secondaire, certains devront présenter un examen de passage dans les matières où ils n'ont pas satisfait. Une pratique qui n'est toutefois pas généralisée. Certaines écoles ont en effet fait le choix de ne plus organiser d'examen de passage. Les défenseurs de ce système estiment qu'il offre à l'élève une seconde chance, une opportunité de se remettre à niveau. Les opposants y voient plus une punition ou une pratique non démocratique. Alors, chance ou injustice, faut-il selon vous bannir les examens de passage? C'est la question que l'on vous pose demain dans Matin Première. Et vous pouvez bien sûr réagir dès à présent au 02 737 33 33. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à matin1@rtbf.be, vous rendre sur la page Facebook de Matin Première et réagir encore via Twitter avec le hashtag Matin1. La suite aujourd'hui des internationaux de tennis de Grande-Bretagne. Alison Van Uytvanck a fait son entrée en lice au tournoi de Wimbledon. Elle rencontre Tara Moore. Christine Anquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Londres, évidemment, pour suivre le tournoi sur gazon. Alors la Belge, eh bien, elle a déjà perdu le premier set. Oui, effectivement, Alison Van Uytvanck est la dernière Belge entrée dans ce tournoi, en tout cas en simple, puisqu'on ne parle pas encore de double de junior ici. Elle espère ne pas être la troisième à sortir du tournoi. Elle rencontre donc la Britannique Tara Moore, que l'on ne connaît pas vraiment bien, il faut l'avouer. Elle est classée juste 100 places derrière la Belge, au 227e rang mondial. Et Tara Moore a remporté effectivement le premier set 6-3. Elle a commis moins de fautes directes que la joueuse belge, qui tente, qui se donne, mais qui a du mal depuis son retour à la compétition il y a 3 semaines. On rappelle qu'Alison Van Uytvanck a été blessée au pied pendant 3 mois. Elle n'a plus mal maintenant, mais elle n'arrive pas encore à faire la différence à la fin de ses sets et à la fin de ses matchs. Elle a d'ailleurs perdu son service à la fin du premier set sur 2 doubles fautes de suite. Elle manque de compétition, ça c'est évident. La Britannique a donc un set d'avance et elle a même un break d'avance dans le deuxième set. 6-3, 2-0 pour Tara Moore. Merci Christine. Christine Anquet en direct de Londres. Une contracture à la cuisse l'a éloigné ce matin de la séance d'entraînement, mais Mark Wilmot est confiant, il sera à 100%. Eden Hazard retrouvera bien Lille vendredi soir pour le quart de finale de l'Euro face au Pays de Galles. Bon, en ce qui concerne d'abord Eden, à la mi-temps, il a senti à la cuisse, au quadriceps, une sorte de contracture qui commençait à arriver. Et c'est pour ça que je l'ai retiré. Maintenant, à mon idée, il va rentrer, pas demain, mais après-demain. Je l'ai laissé aux soins. Il fait un travail à l'intérieur avec les kinés. Ça évolue bien. Donc normalement, le jour avant le match, il devrait être là à 100%. Et au niveau de Thomas, ben, vous savez qu'il avait très peu joué à Barcelone. Il a un peu mal partout. Ça veut dire les adducteurs qui chauffent, les abdominaux qui chauffent, un peu tout qui chauffe. Donc, comme il a quand même joué avec quelques anti-inflammatoires, maintenant qu'il a arrêté, ben, ça lui fait du bien de rester justement 4 jours. Donc, cette pause lui fait énormément de bien parce qu'il a poussé très loin son corps. Il a fait 4 prestations de très, très haut niveau. Donc, finalement, cette carte jaune tombe assez bien pour lui. Il va pouvoir récupérer et un autre prendra sa place. Des propos recueillis par Thierry Luters. Merci de nous être fidèles. Il est tout juste 17h08. Toute l'info est sur rtbf.be. C'est évidemment à cette heure-ci presque sérieux et tous les chroniqueurs sont presque là. Oui, ils arrivent au compte-gouttes. Hein. Vous savez, c'est une entrée, en matière pour nos chroniqueurs qui sont là depuis une heure et qui vous accompagnent dans cette dernière ligne droite avant le retour des infos tout à l'heure à 17h30 pour Soir Première. La Première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Et nous déroulons le tapis rouge à l'actualité, en tout cas on l'a refait cette actualité à notre manière, on relie entre les lignes de l'impertinence au programme, de la joie de vivre, de la bonne humeur, c'est presque sérieux. Sur la première, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, 90 minutes et de beaux esprits qui vous entourent tous les jours pour relater cette fameuse actualité. Il y a autour de la table Daphné Dulaurier, bonjour. Ah, bonjour tout le monde. Ah, bien, habillé en fruité là aujourd'hui. Oui, voilà, c'est mon look estival. Ouais, très beau look estival. Il y a Raoul Reyers. Habillé normalement, moi. J'aurais dit une petite fraise. En fraise des bois. Fraise écrasée. Oui, si vous voulez. Il y a Manu Di Pietro. Bonjour Manu. Ça va ? Il sera question de quoi avec vous dans un instant ? De Cher Michel et de son numéro de danseuse du ventre. Très vrai, vous faites la nappe, comme dit très bien celle qui est vêtue de fleurs. Catherine Ronvaux, bonjour. Il y a Edgar Schott, Edgar, ça va ? Écoutez, pas pire. Et on parlera de quoi avec vous aujourd'hui, Edgar ? On parlera de mes vœux de mi-année. Ah, les vœux de mi-année, bien sûr, on les attend avec impatience, ces fameux vœux. Ce sera dans un instant le temps pour nous de nous intéresser à l'histoire. Oui, Raoul. Et Walid, dans un très beau sweat vert menthe. Ouais, j'aurais dit pistache, moi, pour ma part. Vous ne vous battez pas sur la couleur. Moi, j'aurais dit sweat. La menthe. Ouais, c'est moi, ce que je vais vous dire, ça. J'attends votre chronique avec impatience. C'est presque sérieux. Sur la première. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça. Hey, Houston, on a un problème ici. Rendez-vous avec l'histoire demain avec Laurent de Hausset, 13h30, 14h30 sur la première. Au sommaire de l'histoire demain, eh bien, retour sur l'histoire des congés payés, cette fameuse loi du 8 juillet 1936 en Belgique. C'est au menu donc d'un jour dans l'histoire et une question relative à la date du jour. En ce 28 juin, Laurent de Hausset a une question pour vous, chers amis. Ma disparition a fait beaucoup de dégâts, mais a créé de nouveaux états. Qui suis-je ? Alors, l'Union soviétique. L'Union soviétique. Oh, excusez-moi, mais bon. Bing. Ouais, ben non. Ah, on fait le malin, monsieur. Le zouette. L'Empire britannique. Bon. L'Empire britannique, non, non, non. Mais une institution ou une personne ? Une personne. Ma disparition a fait beaucoup de dégâts, mais a créé de nouveaux états. Qui suis-je ? Napoléon. Napoléon, vous dites. Absolument pas. 28 juin. Quelle année ? Je pourrais vous donner l'année, mais ça vous mettra facile. Tout de suite sur la voie et sur la réponse. Mais je vous la donne dans 30 secondes. Est-ce qu'il est... C'est en Europe ? Est-ce qu'on aurait pu le connaître de notre vivant ? De votre vivant, non. Mais vous l'avez appris à l'école. Même celui de Raoul ? Oui, même celui de Raoul. Oui, oui. Il a dû réfléchir quand même. Alors, à votre avis, alors, je vous donne la date. 28 juin 1914. Ah ben, François-Xavier. François-Xavier comment ? De Donéa. Bon, d'Autriche. C'est le seul qu'on connaît. Non, pas François-Xavier, François-Ferdinand. François-Ferdinand. Oui, effectivement, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, un 28 juin 1914. Héritier du trône d'Autriche-Hongrie et sa femme, en visite à Sarajevo, sont assassinés par un nationaliste serbe, Gavrilo Princip, et cet attentat qui met donc le feu à l'Europe, alors divisé entre triple alliance et triple entente, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet. Le conflit entraînera donc la Première Guerre mondiale. Une guerre qui durera 4 ans et qui fera 8 millions de morts. Souvenir en ce 28 juin. Hommage. Non mais bah, il faut se souvenir parfois des choses comme ça pour que l'histoire ne se répète pas, même si l'histoire bégaye. Tiens, oh oui. Il va nous proposer... Il va bégayer. Oui. Il va nous proposer, tiens, ses bons voeux, c'est maintenant, c'est l'instant, c'est Edgar Schott. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. On ne change pas une équipe qui gagne. Vous ferez un beau petit duo tous les deux. Tiens, je vous verrai bien sur scène avec lui. Tiens, vous formulez pour nous vos bons voeux de milieu d'année, mon cher Edgar. Tout un concept donc. Oui, absolument. Mais parce que les amis, je crois qu'on peut le dire, c'est officiel, les vacances sont là. En tout cas, si j'en crois les sujets traités par la presse dite sérieuse, j'ai du mal à penser que les transats ne sont pas déjà dépliés et la plancha déjà allumée. Pour tout vous dire en matière de titres, j'ai l'impression que la saison des soldes a déjà bien commencé, qu'on est à la troisième démarque facile, quoi, à vue de nez, c'est bien du 70%. Alors, écoutez plutôt, à 14h49, hein, qui est l'heure à laquelle je commence habituellement à rédiger mes chroniques, voici les quatre premiers titres en une de la page Actualité politique belge du soir. Je vous jure que c'est vrai, en tout cas c'était vrai à 14h49. En un, la Tartorie menacée, le conseil communal de Verviers vote une motion de défense. Première actu politique belge du soir, donc. Raoul Reyers est devenu rédacteur en chef et on ne me dit rien. Deuxième titre, Charles Michel, deux points, on ne peut pas mettre le couteau sous la gorge de Cameron. Là, j'avoue que je suis plutôt d'accord avec lui, mieux vaut le planter directement dans le cœur. Enfin, si on le trouve. En troisième place, on a droit à trois des six principaux collaborateurs du roi Philippe remplacés après l'été. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme chaque fois qu'on parle de Philippe dans un journal, on doit préciser le roi Philippe, hein, comme s'il fallait nous le rappeler que c'était lui le roi, parce que ça n'allait pas tout à fait de soi. Hein. C'était un peu la même chose comme quand on dit l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, ou le philosophe Bernard-Henri Lévy. Ou si le premier ministre Charles Michel. Voilà, si on ne précise pas, le lecteur est un peu perdu. Et alors, en quatrième sujet, c'est encore plus brûlant, deux points, on en a parlé tout à l'heure, klaxonner pour les diables, ce que dit la loi. Un sujet brûlant, certes, et de première importance, en dehors de toute considération juridique, je me permets quand même de signaler aux supporters des diables, mais aussi des diasporas portugaises, italiennes, polonaises et françaises, et j'en passe, qu'il serait bienvenu de s'inspirer de la discrétion et de la réserve de l'importante communauté islandaise installée chez nous. C'est vrai, quoi, je sais pas vous, mais moi, il n'y a pas un seul supporter islandais qui m'ait réveillé d'un seul coup de klaxon après leur impressionnante victoire d'hier. Merci à eux, et merci aux autres de s'inspirer de cette excellente éducation. Mais comme quoi, vous le voyez, c'est un peu la grève de l'actu en ce moment, et quand l'actutus le... tous... Ah, Donald tout, non. Quand l'actutus, le chroniqueur humoristique s'enrhume, c'est pourquoi, et puisqu'il s'agit de ma dernière chronique avant le début officiel des grandes vacances, je voudrais formuler quelques vœux pour le second semestre de cette année de merde. Et donc, en gros, je vous souhaite de rire, parce que rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Oui, c'est pas foulé. Comme moi, vous en avez déjà certainement fait l'expérience. C'est pas foulé. Mais comme dirait Stéphane Powells, un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire, à mon avis. En revanche, et comme vous le prouvez tous les jours, mon cher Walid, rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Bref, mon seul vœu pour... Payez ça. Ah, je sais pas, je réfléchis. C'est la première chronique qu'il a écrite à vélo. C'est pour ça qu'il dit 14h49, il faudrait que vous mettiez un peu plus tôt. Bref, ceci dit, mon seul vœu pour cette seconde partie d'année, c'est que les discours de Philippe pour le 21 juillet et la nouvelle année soient remplacés sur les ondes de la RTBF par ceux de Johann Schneider Hamann, le président de la Confédération Suisse, désormais bien connu. Et je vous propose que nous lancions tous un groupe Facebook pour le remplacement des discours de Philippe par Johann Schneider Hamann. Je pense qu'on pourra assez rapidement dépasser le nombre de likes déjà très élevé de notre part. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. 32. Oui, c'est ça. Déjà, ça grésille un peu derrière. Il a mis l'effet vinyle. Moi, je l'ai vu quand il inaugurait Hollande le nouveau tunnel immense qui traverse tout Saint-Gotha. Il était exactement comme ça, aussi drôle. Oui. Mais ce qui est dingue, c'est que la personne qui a écrit son texte doit prendre des droits d'auteur. Ça vaut quelque chose. Pour le moment, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Bon, à 17h, presque 17 minutes, on va continuer à s'intéresser à l'actualité, cette fois-ci avec Manu Di Pietro. Oui. Allons avoir. Est-ce qu'on va avoir droit à une supercherie ou pas dans la suite? Ah non. C'est mes cascades tout seul. Ah. L'homme qui tombe à pic. Dans la suite, donc, avec Manu Di Pietro, nous sommes presque sérieux. Rater le bac, ça offre beaucoup d'opportunités. À nous les petites anglaises, dimanche à 20h35. C'est presque sérieux sur la première. Moi, en 2016, j'aurais jamais parié que je ferais le métier que je fais aujourd'hui. À l'école, j'étais à la traîne. Et en plus, ça n'existait pas encore les implants de cours de néerlandais, ni les injections de gènes des mathématiques. En 2050, vous ne regretterez pas d'avoir fait un stage Cogito, où vous aurez consolidé les savoirs fondamentaux et appris à apprendre. Cogito 078 056 056 ou cogitobelgium.com. Dis, je viens de renouveler mon abonnement tech. Moi j'ai trouvé la solution, je le fais via l'e-shop de chez moi. Trop pratique. Et moi d'un self. Regarde, il y en a à côté de l'arrêt de bus, c'est super facile. Toi, tu veux toujours avoir le dernier mot. Hein. Avec un self ou l'e-shop, c'est facile de renouveler son abonnement. Si vous avez 65 ans ou plus, c'est seulement 36 euros par an. Easy. Simplicité sur toute la ligne. c'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour le Diable Rouge. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10%. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. La Une présente le Vous Rire, le Festival international du rire de Liège. Du 20 au 23 octobre, 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, Le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les Frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vousrire.be, avec le soutien de La Première. La Première présente Mineurs aujourd'hui dans le monde. 8 août 1956, 262 hommes perdent la vie à Marcinelle. La mine du 21e siècle a-t-elle réellement changé par rapport à celle d'il y a 60 ans? L'exposition au Bois du Casier y répond tout en émotion jusqu'au 11 décembre. Info, leboisducasier.be. Avec la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale. La Première, Mobile Info. 17h19, Pierre Collard-Bovier, un point sur nos conditions de circulation. Oui, des ralentissements toujours dans beaucoup de tunnels de la capitale, bien évidemment, c'est l'heure, c'est tout à fait normal. Sur le ring de Bruxelles, plus 24 minutes pour l'extérieur Grand Billard au titre, plus 24 minutes également pour l'intérieur Zaventem Carrefour et Léonard, plus 19 pour l'intérieur au titre Grand Billard, plus 16 pour l'extérieur Zaventem Grand Billard, plus 16 pour l'intérieur Grand Billard Zaventem et plus 15 pour l'extérieur Carrefour et Léonard. Il y a une tendance à la baisse, mais on ne va pas se réjouir trop vite quand même. Des travaux vous ralentissent sur le 19 Bruxelles, Valenciennes à hauteur de Nîmes-Mézières. Vous perdez une bonne dizaine de minutes en direction de la France. Un camion est en panne sur le 411 Bruxelles, Luxembourg à hauteur de Houdemont. Bande droite encombrée en direction de encombrée et neutralisée en direction de Luxembourg. Et puis on signale un objet encombrant, c'est dans l'échangeur de Dessous, dans la bretelle reliant le 411 allant de Bruxelles à le 42 en direction de Liège. C'est une pelle qui pourrait vous surprendre et vous gêner. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. La Première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Attention à l'appel. Bon, les amis, après laissez-moi vous dire une chose. L'appel du 18 juin, l'appel du 18 juin. Ouais, c'est ça. Ce que disait Edgar, oui, vous partez en vacances, mais nous, nous sommes encore avec vous jusqu'au 15 juillet. Nous prendrons nos vacances à cette date-là et puis nous reviendrons le 22 août. Ça, c'était pour la petite parenthèse. En attendant, si on parlait du Brexit, oui, c'est le Brexit et il faut agir vite. Attirer les entreprises anglaises en Belgique avant que les relations commerciales ne se compliquent avec l'Europe. Et en business, c'est comme dans les Jean-Claude Van Damme, tous les coups sont permis. Mes chers enfants, public chéri, collègues adorés, on vit dans une époque formidable. Il me semble que je vous le répète assez souvent. Est-ce que vous allez finir par me croire, petits enfoirés? Déjà, il fait beau. Si, il fait beau. Si on s'est fait greffer des ouïes, ou qu'on est adepte du catch dans la boue, ou bien qu'on est un enfant lune ou un roux, c'est vraiment le temps idéal actuellement. Si on est fan de séries télé aussi, on a l'occasion de rattraper tout son retard. Bon, on le rattrape tellement, le retard, qu'on va finir par devoir se rabattre sur les DVD de Plus belle la vie, Château Vallon et l'intégrale des Maggie. Voire même, mais là j'espère qu'on n'arrivera tout de même pas à cette extrémité, à l'édition DVD super deluxe de 7e Ciel Belgique. Car avant de se pignoler avec la trêve et des ennemis publics, la RTBF a sans doute engendré ce qui est l'équivalent télévisuel d'une auto-émasculation avec une petite cuillère en plastique. Et puis, il y a le Brexit. Ah, miam miam, avec la chute de la livre, à nous les fish and chips graisseux et la bière plate dans un pub de Douvres. Non seulement vous aurez l'occasion de vous flinguer les artères, mais avec un peu de chance, vous pourrez également vous mêler aux habitants du coin qui ont voté pour le Leave. On peut rester en bon terme, non ? Ainsi, avec Steven, dit l'écarisseur du Kent, vous aurez l'occasion de découvrir de combien de migrants il faut disposer pour boucher la sortie du tunnel sous la Manche. Et avec John et Annabelle, vous découvrirez les secrets de fabrication de leur fameux boudin noir, garanti sans sang d'animaux, mais à l'inégalable saveur épicée qui rappelle l'Inde et le Pakistan. D'un autre côté, Charles Michel se dit que c'est le bon moment pour faire venir en Belgique les entreprises anglaises. Et quand Charles Michel décide de faire quelque chose, il est inarrêtable, il est intraitable, c'est une vraie tête de mule, il ne changera jamais d'avis. Il est comme ça depuis 2014. Là où nous aurons la main après les élections, nous irons sans la NVA. Voilà. Donc Charles Michel veut séduire les Anglish. Il veut faire venir les entreprises en Wallonie et à Bruxelles. Alors je ne sais pas quelle boîte installée à Canary Wharf voudra venir s'installer à Charleroi ou Anderlecht, mais si elles viennent de Liverpool ou Manchester, le dépaysement ne sera pas trop violent finalement. Et pour son plan, Charles a compris que les Anglais, ils n'aiment pas que la bouffe dégueulasse. Ils font les malins avec leurs Beatles et leurs Rolling Stones, mais ils adorent aussi les boys band tout pourris. Il a donc pris un abonnement chez Basic Fit pour soigner son corps malingre de premier prix de latin. Il a fait une cure d'UV et pris un rendez-vous chez Linda Beauté pour se faire faire le maillot, puisque de toute façon, pour les cheveux, Madame Nature avait déjà sorti la tondeuse. Oh non. Pour la chanson, il hésite. Ce sera une reprise, de toute façon, c'est plus simple. Alors, il a arrêté son choix sur deux morceaux. Le premier, c'est « Tout sexy ». Trop sexy en français. Est-ce que vous vous rappelez de cet hymne de cet homme torse nu qui chantait cet hymne macho? Exactement. Oui. Right said Fred. Avec un petit clip tourné à poil au Lion de Waterloo avec Denis Ducarme et Willy Borsu en lycra jaune, ça devrait marcher, je pense, sur les petites Angliches. Mais il a un peu peur pour l'accent et pour cause. Woohoo. I don't confirm the information in the investigation. So what's important is the fact that the Belgian services, the Belgian security services, have very good work. Ouais. On pourra en faire un single. Oui, mais écoutez, ah, on pourra en faire un single. J'ai pas eu le temps, mais. Ah, mais il y a l'idée. Donc il y a ça aussi en mode French lover, facile à traduire. Tragédie pour nos oreilles. Voilà, tragédie. Il est un peu freiné par le nom du groupe qu'il trouve trop fort, mais pas dans le bon sens du terme. Mais il va devoir faire vite, parce que Paul Magnette est lui aussi sur le terrain, et avec sa balade Skate Braguette Welcome to the Hotel California, il pourrait bien lui casser la baraque, le beau gosse du pays noir. Hey, c'est beau ça, Welcome to the Hotel California. Et on devrait faire un petit single. Et vous savez, c'est vraiment... Les meilleures reprises wallonnes. Ouais, non, mais pour le Brexit, vraiment pour inciter les gens à venir chez nous en Belgique. On pourrait l'imaginer. Hein. Et ça pourrait relancer le truc. Ouais. On fera un concert. Relance, aussi. Ça marche, hein, je verrai bien va retourner en Beatles comme ça, ouais. En voiture, hein, la si Beatles, ça, bien sûr. C'est ça. Allez, c'est le presque au mot de la fin. C'est tout de suite. Ah merde. Cette conversation est terminée. Un mot pour une actualité que vous avez retenue pour nous, histoire de la résumer, cette actu. On va demander à Catherine Ronvaux. Lapsus. Pourquoi ? Nous devrions tous nous déshabiller et travailler, aurait déclaré le président biélorusse Loukachenko. En fait, il a fait un lapsus entre s'améliorer et s'habiller. Donc voilà, il y a maintenant plein d'employés qui postent des photos de eux nus dans les bureaux. De eux nus et pas de eunuques, bien sûr. On ne sait pas. On ne le sait pas parce que c'est un peu caché. C'est une manière de retrousser ses manches. C'est aussi ça que vous voulez dire. C'est Brich Trava et Brich Trava, les deux mots. C'est les deux mots, ça veut dire c'est la même chose, effectivement. Raoul Reyers, presque au mot de la fin. Humour anglais. Ah, il y a des tweets, évidemment, qui circulent comme celui-ci. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours à l'Eurovision. Ah, ouais. ça ne change rien pour eux, finalement. Non, ils sont l'Eurovision et l'Euro, il n'y a rien, il n'y a rien qui change. Des compétitions sportives et des presque compétitions de chansons. Des compétitions de presque chansons. Oui, voilà. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus gagné. C'est vrai. Mais bon, hein, qui sait, peut-être que pour les faire... On pourrait les faire gagner pour les punir cette année. Ils pourraient envoyer Farage pourquoi à l'Eurovision. Pourquoi pas. Edgar Schotz, presque mot de la fin. Moi, c'est facture, parce que j'ai vu une déclaration récente de Charles Michel disant que la Belgique n'allait pas payer la facture du Brexit. Et je trouve ça assez drôle, parce que c'est ce qu'on reproche aux Britanniques depuis 30 ans, de ne pas vouloir payer la facture de l'Europe. Mais donc, si plus personne ne veut payer aucune facture, ça va être difficile de faire des choses. On avait des rappels, hein, des huissiers de justice, tout ça. Vous verrez, ils payeront. Il faut payer la malle au stand Douvre et tout. Hein. Ça coûte de l'argent. Daphné Dulaurier, presque au mot de la fin pour vous. Alors moi, c'est Jupiter, non pas Jupiler, mais Jupiter. Hein, parce qu'on a l'engin spatial Juno de la NASA qui arrive au bout de son voyage de 5 ans et qui sera bientôt, qui approche de Jupiter, et il va servir à expliquer la création du système solaire. Hey. On va enfin comprendre. Donc le 4 juillet, cet engin spatial est censé se tout nous dire. Enfin, ouais. Et il n'y a jamais trop de temps pour nous envoyer. Non, mais c'est là qu'il y aura des problèmes de réseau, qu'on n'aura rien. Et que voilà, tout ça, c'est pour vendre de la fausse info. C'est pour les vacances. Soit, voilà. Et là, est-ce que la NASA est chez vous? Oui, mais justement, il n'y aura rien du tout. On ne verra rien. Manu Di Pietro, presque au mot de la fin. Oui, c'est encore... Ah ouais. C'est Boris Johnson, donc le leader du mouvement Livre au Royaume-Uni, qui a dit mais oui, on a voté le Livre, mais on est encore quand même en Europe. On sent que le vent est déjà en train de tourner assez méchamment. Et si on pouvait revoter, ça serait bien, vraiment. Sa mèche bien. A changé de côté. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un beau petit retournement de veste. Ben voilà, l'émission touche à sa fin. On sera de retour demain entre 16h et 17h30 pour relater une fois de plus toute l'actualité, rien que l'actualité. L'actualité où vous avez rendez-vous avec tous les matins, dans Matin Première, entre 6h et 9h. Vous pouvez réécouter d'ailleurs les invités de Matin Première, podcaster les cafés serrés de nos collègues et amis du matin sur le rtbf.be/ovio. Podcaster également votre émission via la même adresse. Rendez-vous sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux. Et puis laissez-moi remercier toutes les personnes autour de cette table, à commencer par Raoul Reyers. Merci Raoul, à demain. Merci Walid. Merci à Manu demain. Pietro. Merci à vous, Daphné Dulaurier. Merci Catherine Ronvaux. Merci Walid. Merci Edgar et bonnes vacances. C'est moi que je vous remercie. Merci Laurent Delissène et merci à Jara Boulèche. Et surtout à Jara. Rendez-vous avec Soir Première dans un instant avec Pierre-Yves Meugen. Portez-vous bien. Rendez-vous demain 16h. Ça se passe sur la Première. Tout à l'heure, à 20h. Le monde est un village. Ce soir, je vous propose de revenir un peu en arrière. Samedi a eu lieu la nuit africaine à Otigny-Louvain-la-Neuve, au Bois des Rêves. Et nous avons enregistré certains concerts, florilège de cette activité, ce soir dans Le monde est un village. Eh oui. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la Première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La Première et la 3 présentent Comble à la Tour, le Comblin Jazz Festival, Keb Mo, Paolo Fresu, Trilo Courtois, Omar Sosa, Roland Chaconte, Kelassou, Carmen Souza, Pascal Mohi et plus encore. Comble à la Tour. 3 jours de jazz, de blues et de musique inouïe, les 1er, 2 et 3 juillet à Comble à la Tour. Info, comblinjazzfestival.be. Comble à la Tour. Avec Le Soir et RTC Télé Liège. La Netherlands Academy présente la métamorphose de l'été. Avant l'été, voici ce que Cédric vous aurait dit. On dit que les francophones sont nuls en langue. Bon, eh bien moi, je suis prêt à prouver le contraire. Je m'y mets cet été. Après l'été, vous le trouverez métamorphosé. Nonsense, t'is simple, super gemakkelijk. Voor Franstaligen is het ook eenvoudig, als ze maar gemotiveerd zijn. Netherlands Academy, la porte qui ouvre les portes. Stage intensif de 2 semaines durant tout l'été. Plus